Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Mais qu'est-ce qui lui a appris ? Telle a été la réaction générale, tant en Grande-Bretagne qu'en Allemagne, lorsqu'on a eu connaissance, en mai 1941, de l'extravagant voyage de Rudolf Hess, qui, en pleine guerre, a pris la folle décision de se rendre en Écosse. Et en prenant des risques considérables, car le numéro 3 du régime nazi, aux commandes de son Messerschmitt, a effectué un vol de 1300 km et défié la défense anti-aérienne écossaise avant de se rendre compte que le terrain où il avait choisi d'atterrir n'était pas éclairé. Il a donc décidé de sauter en parachute près du château de Lord Hamilton, auquel il avait prévu de remettre une proposition écrite de paix séparée entre le Troisième Reich et le Royaume-Uni. Une mission qui méritait donc, selon lui, de braver tous les dangers. Mais s'agissait-il d'une initiative personnelle ? À l'évidence, non. Nous l'avons vu la semaine passée avec M. X. Rudolf Hess, qu'on présentait souvent comme le dauphin d'Hitler, était parti avec l'assentiment de ce dernier. Il avait même pris la précaution de dégager la responsabilité de son Führer. « Si j'échoue », avait-il écrit à Hitler avant de partir, « vous pourrez toujours dire que je suis fou ». En réalité, ce voyage faisait partie d'un plan élaboré au plus haut niveau du Troisième Reich, où l'on croyait à l'existence en Grande-Bretagne d'un clan pacifiste et germanophile prêt à débarquer le belliciste Churchill et décidé à conclure la paix, laissant ainsi les mains libres à Hitler qui avait déjà décidé d'attaquer l'URSS. Cependant, nous a dit M. X, Churchill n'ignorait rien de ce plan, car en vérité, c'était lui qui tirait les ficelles, une formidable mystification. La suite avec M. X. Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir. Rendez-vous avec X. Dans cette affaire, Winston Churchill a joué très gros. Et s'il avait perdu, les conséquences auraient été gravissimes, car elles auraient mis en péril l'existence même de la future coalition qui allait liguer contre Hitler son pays, l'URSS et les États-Unis. Un pari très risqué, donc. Mais un spectaculaire succès pour les promoteurs de ce que l'on a appelé la propagande noire, c'est-à-dire l'intoxication de l'ennemi. Je vous propose de voir en détail cette opération de mystification qui aurait été baptisée HHHH. Explication, hein? 4 H pour Hitler, S, Haushofer, père et fils. Ces deux derniers personnages dont je vous ai longuement parlé lors de notre premier entretien. Deux idéologues nazis qui avaient aussi la particularité d'être anglophiles et de compter nombre d'amis dans la haute société britannique. Ouais. Une haute société dont certains représentants, m'avez-vous dit, étaient loin d'être hostiles à Hitler. C'est un euphémisme. Mais Churchill s'est servi avec une incontestable habileté de cette sympathie d'une partie de l'aristocratie pour le Troisième Reich. Ça a même été une carte essentielle de son jeu. Alors, comment tout a commencé? Au départ, il y a la création en juillet 1940 du SOE, Service des Opérations Spéciales. Un organisme qui, selon les mots mêmes de Churchill, devait mettre l'Europe occupée à feu et à sang. C'est ça. Et cette nouvelle structure devait avoir une double fonction. Sa première branche, chargée de missions d'espionnage, avait pour objectif, grâce à la création de réseaux de résistance par des agents parachutés, de mener des actions de sabotage et même de fomenter des soulèvements. Mais en l'occurrence, c'est surtout l'activité d'une autre branche, la SO1, qui mérite une attention toute particulière. Racontez. Ultra secrète. Elle était spécialisée dans l'art de la guerre psychologique et subversive. Ouais, cette propagande noire là, que vous avez évoquée. Et qu'on nommerait aujourd'hui la désinformation. Au fil du temps, cette branche, dont peu de gens connaissaient l'existence, a pris tellement d'importance que ses bureaux ont été déménagés de Londres et discrètement installés dans le manoir du duc de Bedford, Bourbon Abbey. À sa tête, Churchill a nommé un homme de confiance, un fonctionnaire du Foreign Office, Reginald Rex Lever, qui s'est entouré d'une fine équipe de diplomates et de militaires, autant de personnages remarquables qui étaient des fidèles de Churchill et soutenaient donc sa politique de guerre à outrance contre l'Allemagne nazie. Une équipe soudée. Et imaginative. À noter la présence d'un certain Frank Roberts, dont le cousin germain et la tante Violette Roberts sont liés au Haushofer. Eh ben, des contacts qui seront très utiles par la suite. Forcément, hein. Ouais. J'y viendrai. C'est dès la mi-août 1940 que cette cellule clandestine commence à élaborer son plan contre Hitler. Mais sur quelle base, hein? Assez tôt, les dirigeants britanniques sont convaincus qu'Hitler cherche à conclure la paix. Et pourtant, à l'époque, on se trouve en pleine bataille d'Angleterre. Hein. Les avions allemands pilonnent les villes anglaises, c'est vrai. Mais le Führer, justement, constatant que les Britanniques sont bien décidés à résister, a compris qu'il serait impossible d'envahir la Grande-Bretagne comme il l'a fait en France. Par conséquent, en usant de divers canaux, il laisse entendre qu'il ne serait pas hostile à un accord de paix. J'ai quand même du mal, moi, à y croire. Eh bien, sachez que cette offre de paix sera présentée à 16 reprises, via le Japon, les États-Unis, le Vatican, ou des personnalités comme le duc de Windsor. Qui était très proche des nazis. Hein. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez vous référer au discours qu'a prononcé Hitler au Reichstag en juillet 40. Il propose explicitement l'arrêt des hostilités. Alors, la mystification, la mise en œuvre par le SOE, va donc reposer sur l'exploitation de ces avances de paix formulées par Hitler. C'est tout à fait ça. Et ça a dû commencer fin août, par la rédaction d'une simple lettre. Vous n'êtes pas tout à fait sûr. Quand non, parce que l'opération HHHH, ou disons plutôt 4H, a été tellement secrète que peu de véritables informations ont filtré après-guerre. Et même aujourd'hui, on ne sait pas tout. Alors, cette lettre-là. Frank Roberts, membre de l'équipe de Reginald Lipper, a sans doute demandé à sa tante Violette d'écrire à son vieil ami Karl Haushofer. Mais en réalité, la lettre a vraisemblablement été rédigée par cette branche du SOE chargée de la guerre psychologique. Et le contenu? La vieille dame évoquait les atrocités de la guerre et exprimait son souhait de voir revenir la paix en Europe. D'accord, mais en quoi les souhaits d'une dame âgée pouvaient avoir de l'importance? Violette Roberts était une personne influente et était introduite dans le milieu de l'aristocratie. Ah ouais, elle pouvait donc exprimer ce que pensait cette bonne société. C'était l'effet recherché, faire croire que les Anglais étaient à bout et aspiraient par conséquent à faire la paix. Et à peu près au même moment, Haushofer Senior reçoit la visite de Rudolf Hess. Les deux hommes évoquent ensemble les noms des Britanniques qui pourraient être des intermédiaires utiles. Ouais, pour parler de paix. Bien sûr. Mmh. Et se mettent d'accord pour désigner les deux Hamilton, le père, le général Ian Hamilton, un proche de Churchill, et son fils, qui deviendra bientôt duc de Hamilton. Oui, à la mort de son père. Et Haushofer connaît bien cet aristocrate qui est un intime de son fils Albrecht. Or, celui-ci se trouve être l'un des meilleurs spécialistes allemands des relations germano-britanniques. J'ajoute que Rudolf Hess, lui aussi, a déjà rencontré le futur Lord Hamilton. Mmh. Mais quand Hess fait cette démarche-là, il l'a fait en accord avec Hitler ? C'est probable. Au demeurant, les Haushofer sont bien conscients des difficultés qui les attendent. Car ils savent que les Anglais n'ont aucune raison d'accorder leur confiance à Hitler qui a si souvent renié sa parole. Après les accords de Munich de 1938, par exemple. Oui, où il s'était engagé à ne pas envahir la Tchécoslovaquie. Ce qu'il fait quelques mois plus tard, oui. Autre point délicat. Il ne faut surtout pas que von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, soit associé à cette initiative de paix. Non seulement c'est un incapable, mais les Anglais s'en méfient. Ouais, à écarter, donc. Du côté anglais, les Haushofer pensent aussi à un autre de leurs grands amis, Sir Samuel Hoare. Et qui est-ce ? Cet important diplomate a été mis sur la touche par Churchill, qui l'a envoyé à Madrid. Et pourquoi a-t-il été écarté, hein ? Hoare ne se prive jamais de dire que son pays a déjà perdu la guerre et ne fait qu'aggraver sa situation en continuant à résister. Ouais, un défaitiste. Apparemment, oui, car cet ambassadeur cache son jeu. En vérité, il est en parfait accord avec Churchill. Il est même associé à l'opération 4H, mise en œuvre par le SOE. Et vous le verrez, il jouera un rôle qui sera loin d'être négligeable. Il servira d'appât ? C'est à peu près ça. Enfin, je poursuis. En septembre 1940, Albrecht Haushofer informe Hess qu'il va écrire à Hamilton via Violet Roberts afin de trouver un moyen d'entrer en contact avec des responsables britanniques. Et tant Rudolf Hess que les Haushofer pensent que la situation leur est favorable. Et pour quelle raison, hein ? La Grande-Bretagne est durement touchée par les incessants raids aériens de la Luftwaffe, tandis que sur les théâtres d'opérations extérieures, les défaites s'accumulent face aux forces de l'Axe. Conséquence, en Grande-Bretagne même, l'opposition commence à gronder et n'hésite plus à accuser le Premier ministre de livrer le pays à la destruction. Le doute s'installe. Et il risque de gagner les hommes du SOE qui se demandent s'ils ont frappé à la bonne porte en ayant éveillé l'intérêt des Haushofer. Le père et le fils jouissent-ils encore des faveurs du régime ? Et ont-ils encore suffisamment d'influence pour accéder à Hitler ? La lettre qu'Albrecht envoie à Hamilton devrait les rassurer, non ? En partie, oui. Car dans cette correspondance, Haushofer évoque assez clairement que leur initiative est encouragée par Rudolf Hess. Et à la mi-novembre, le SOE reçoit une preuve éclatante que ses efforts commencent à porter des fruits. L'étrange voyage de Rudolf Hess. Tel est le titre d'un livre de l'historien anglais Martin Allen. Dans cet extrait, l'auteur parle de la genèse de l'opération de mystification du SOE. À l'automne 1940, le pays ressemblait à un boxeur très malmené qui attend la cloche et ne tient debout que soutenu par les cordes. Ce dont il avait besoin, c'était soit d'un deuxième front pour détourner la moitié des forces de l'Axe, soit d'un puissant allié, deux perspectives qui n'avaient aucune chance de se concrétiser dans l'immédiat. Néanmoins, un petit groupe de gens au sein du cabinet de guerre restreint et de la SO1, la branche du SOE chargée de la propagande noire, avait quelques idées sur la façon de résoudre le problème. La lettre de Violette Roberts au professeur Haushofer fut le pari qui servit d'ouverture à la partie de poker impitoyable dont dépendait la survie du pays. Le contenu de la lettre d'Albrecht Haushofer au duc de Hamilton était en soi assez banal puisqu'il était question de regret, du chagrin que lui inspirait la guerre. Mais ce qui retint surtout l'attention, c'est la capacité dont faisait état Haushofer de se déplacer pour une réunion. Ce détail fut pour la SO1 le signe manifeste que ses efforts commençaient à payer. Il est certain qu'elle se servit des Haushofer comme d'un canal pour accéder aux dirigeants allemands. Et vous avez parlé d'une preuve éclatante. Oui, en novembre 40, donc, l'ambassadeur Ho a été abordé en Espagne par le nonce apostolique. Sœur Ho, qui, il faut le rappeler, faisait semblant d'être pacifiste. Et ça signifie que sa posture a été jugée convaincante. Le prélat lui annonce qu'on lui a demandé de transmettre une offre de paix formulée par le représentant allemand. Mais sur quelle base alors ? Attendez, d'abord, et le détail est important, le nonce laissa entendre que les Allemands pourraient éventuellement négocier avec des interlocuteurs qui n'appartiendraient pas au gouvernement britannique actuel. C'est quoi ? C'est des opposants, par exemple. C'est-à-dire des gens favorables à la paix qui pourraient renverser Churchill. C'est implicite, car les dirigeants du Troisième Reich n'ignoraient pas que dans les hautes sphères de la société britannique, ils jouissaient de sympathies certaines. Ouais. Et le plan de paix lui-même, alors ? Il serait secrètement négocié en Suisse. Pour obtenir la paix avec la Grande-Bretagne, Berlin accepterait que la Norvège, le Danemark, la Hollande, la Belgique et la France, autant de pays occupés, recouvreraient leur indépendance. Mais à condition de ne pas s'opposer à l'Allemagne. Autre concession présentée comme telle, un État polonais reverrait le jour et la Tchécoslovaquie serait autorisée à développer son caractère national tout en demeurant sous la protection du Reich. Oui, forcément. Réaction des Britanniques, alors ? L'offre semble plutôt alléchante, mais Churchill décide de la garder secrète. Et pourquoi ? Parce que si elle était rendue publique, elle serait favorablement jugée par tous les pacifistes et peut-être même par certains gouvernements. Les États-Unis, par exemple ? On peut le craindre, tant l'opinion américaine est encore à ce moment-là hostile à l'entrée en guerre de sa nation. Donc, Churchill garde le secret, car il est décidé à combattre Hitler jusqu'au bout. Mais il ne va pas s'opposer à la poursuite de ses contacts indirects avec des représentants du Reich. Bien au contraire. Pourquoi ? Ça fait partie de la mystification ? Évidemment, je vous expliquerai pourquoi. C'est-à-dire la véritable finalité de l'opération 4H. Mais le Premier ministre britannique doit être excessivement prudent, parce qu'il pourrait bien se trouver débordé. Mais par ce clan pacifiste. Oui, avec lequel les Allemands pourraient être tentés de négocier directement. Alors pour Churchill, c'est seulement une crainte ou dispose-t-il d'informations plus précises ? Il sait qu'il existe une faction puissante dirigée par Lord Halifax. Mais ça, c'est son rival politique. Oui, Halifax avait failli être nommé Premier ministre à la place de Churchill en mai 40. Mais sa crédibilité de chef de guerre avait été sérieusement ébranlée, car il avait auparavant soutenu la politique d'apaisement de Chamberlain. Chamberlain, l'homme de Munich. Donc, fidèle à lui-même, Halifax pourrait être tenté d'entendre les sirènes de Berlin ? C'est pourquoi Churchill va l'éloigner au plus vite. En décembre 40, Lord Halifax est nommé ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington. Un poste prestigieux quand même. Tout à fait d'accord. Il faut bien que vous compreniez que Churchill doit jouer un jeu très subtil. D'un côté, il doit surveiller les menées des pacifistes, mais en même temps, il est obligé de donner l'impression aux Allemands que la paix est possible et qu'il existe même un clan très influent en Grande-Bretagne qui souhaite la paix. Le grand écart, en somme. Exactement. Alors, quelle était la suite de l'intervention du nonce ? Samuel Hoare tout au long de l'automne 40 et du printemps 41, effectue plusieurs voyages à travers l'Europe. Où précisément ? On ne le sait pas vraiment, mais il est probable qu'il a personnellement rencontré Rudolf Hess en Suisse. Une rencontre qui d'ailleurs faillit provoquer un beau cafouillage. Que s'est-il passé ? L'ambassadeur britannique en Suisse s'est offusqué de ne pas avoir été informé du déplacement de son homologue en poste à Madrid. D'autant qu'il s'est bien douté qu'il ne venait pas pour goûter les douceurs du pays. Il a donc fallu le calmer. En même temps, mais cela Churchill ne pouvait pas le savoir, pas tout de suite en tout cas, Hitler a donné ordre à son état-major de parachever les préparatifs de l'invasion de la Russie. Ouais, l'opération Barbarossa. Hein. Quand cet ordre a-t-il été donné ? À la mi-décembre 1940, et l'attaque est prévue pour le 15 mai 1941. Ouais, mais elle sera en réalité déclenchée fin juin 1941. Et si elle a été repoussée, c'est sans doute à cause du voyage de Rudolf Hess. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Comme d'habitude. En tout cas, les Britanniques ne savent donc pas encore qu'Hitler a pris cette décision essentielle. Hein. Oui, enfin, même si Churchill a déjà l'intuition qu'Hitler, inévitablement, finira par attaquer l'URSS. Et sans déflorer la suite de cet entretien, le Premier ministre britannique fera tout pour l'en persuader. En attendant, les craintes de Churchill se portent sur les Balkans et le Moyen-Orient, dont le Führer peut être tenté de s'emparer. Et ce serait très grave, car il menacerait les ressources pétrolières de la Grande-Bretagne. Alors, la suite. Hess, qui doit déjà avoir en tête son futur voyage en Écosse, effectue plusieurs vols d'entraînement aux commandes de son Messerschmitt 110 et il demande plusieurs améliorations techniques. Afin de pouvoir accomplir ce long vol. Hein. Oui, oui, oui. En février 1941, nouveau signe important que l'opération du SOE est en bonne voie. Lord Halifax expédie un message angoissé à Londres. Il indique qu'un intermédiaire de l'ambassadeur de Berlin tente d'entrer en contact avec lui. Ben, c'est donc une nouvelle preuve que les Allemands croient vraiment à l'existence de ce clan pacifiste style à Churchill dont Halifax serait un pion important. Et alors pourquoi est-il angoissé ? Parce qu'il a très peur que les Américains le prennent pour un traître. Par conséquent, Londres lui conseille d'être le plus prudent possible et de feindre la colère. Ah, mais sans couper les ponts. Bah, voilà. Ouais. En mars 1941, Samuel Orr, toujours lui, est contacté par un officiel allemand. Mais comme celui-ci ne semble pas appartenir à la filière Haushofer-S, l'ambassadeur esquive. Mais il est encore au centre d'une manœuvre de désinformation assez machiavélique. L'ambassadeur d'Italie à Madrid expédie à Rome un rapport où il relate des confidences faites par Hoare. Celui-ci aurait déclaré à un émissaire allemand que le gouvernement britannique était fragilisé et que Churchill ne pouvait plus compter sur une majorité à la Chambre des communes. Mais Hoare va encore plus loin. C'est-à-dire ? Il laisse entendre que tôt ou tard, il sera lui-même rappelé à Londres pour remplacer Churchill. Et sa première action constituera à signer une paix de compromis avec le Troisième Reich. Oh, serait donc un quasi-traître à son pays. Enfin, c'est bien ce qu'il fallait qu'Hitler et Hess pensent. Hoare devenait donc un interlocuteur sérieux. Et fin mars 1941, les choses se précisent. Une entrevue a lieu entre Hoare et Albrecht Haushofer, à Madrid, dans la résidence d'un colonel espagnol. Et comment ça se passe, ça ? Eh bien, c'est Haushofer qui a sollicité la rencontre. D'emblée, il se montre impatient. Pourquoi Lord Halifax n'a pas donné suite après le contact de février 1941 ? Pourquoi ce silence ? Et il affirme qu'il lui faut un signe, même discret, prouvant qu'Halifax est décidé à agir contre Churchill. En outre, désormais, ses mandants, comprenez Hitler et Hess, exigent une réunion au plus haut niveau. Haushofer donne même un nom, Ernst Bohl, un proche de Hess qui est le chef de l'une des principales sections de politique étrangère du parti nazi. C'est lui qui serait chargé de discuter. Mais pourquoi cette impatience allemande ? Il est clair que le Führer, qui a déjà pris sa décision d'attaquer l'URSS, veut absolument conclure auparavant la paix sur le front ouest. C'est ce que pense Churchill. Oui, car à partir de la mi-avril 1941, il commence à recevoir des rapports secrets qui indiquent qu'Hitler se prépare à une opération militaire de grande envergure à l'Est. Un rapport fourni par qui, là ? Essentiellement par les décryptages des télégrammes militaires allemands obtenus grâce à l'organisation basée à Bletchley Park. Oui, qui a réussi à percer tous les secrets des fameuses machines Enigma qui codent les communications allemandes. Hein. En outre, les rencontres entre Hoare et Albrecht Haushofer, car il y en a eu plusieurs, indique clairement que la volonté farouche de l'Allemagne de signer un armistice avec la Grande-Bretagne n'a qu'une explication. Hitler veut avoir les mains libres à l'ouest pour attaquer à l'est. Churchill peut alors pousser ses pions et jouer son grand jeu. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En tout cas, à entendre M. X, il semble bien que le subterfuge de la SO1 a fonctionné et que désinformation et propagande ont parfaitement fonctionné. Commentaire de l'historien Martin Allen. Jusque-là, la SO1 avait réussi à persuader les dirigeants allemands de l'existence d'une situation fictive fondée sur des intentions de paix, en leur offrant juste ce qu'ils voulaient voir, des signes de révolte chez certaines figures de premier plan du gouvernement britannique qui étaient prêtes à négocier pour sortir leur pays de la guerre. En outre, on avait fait croire aux Allemands que ces politiciens complotaient pour évincer constitutionnellement Churchill du pouvoir afin d'atteindre leurs objectifs. Les hommes de Goeben-Hebe s'étaient trop investis dans cette opération à haut risque pour la laisser échouer, faute d'avoir un homme de paille à présenter aux nazis. Mais qui ? La suite avec M. X. Plus le temps passait, plus les Allemands s'impatientaient, et plus Hesse s'impliquait personnellement. Au début du printemps, il aurait effectué plusieurs voyages en Suisse et à Madrid afin de rencontrer des intermédiaires. Tandis que du côté anglais, il fallait trouver une personnalité politique de première importance pour dialoguer avec l'émissaire allemand qui devait être ce Ernst Bohl. Et c'est la branche 4H là, du SOE qui travaille ? Bien sûr. Et l'un de ses membres, un diplomate, propose le prince George, duc de Kent. C'est le frère cadet du roi. Hein. Un homme qui a déjà de l'expérience des missions politico-diplomatiques. Oui. Et il accepte ? Aussitôt, oui. Mais il exige d'être accompagné par son fidèle ami, le duc de Buccleuch, qui, lui, est un authentique partisan d'une paix avec l'Allemagne et qui, par ailleurs, connaît bien Bohl. C'est un excellent choix pour les promoteurs de l'opération 4H. Et qui est aussi révélateur des connivences qui existaient entre les nazis et l'élite britannique. Oui. Et où pourrait se passer la rencontre avec le représentant du Reich? On évoque déjà la résidence écossaise du duc de Hamilton, Dungeval House, qui dispose d'une très bonne piste d'atterrissage. Mais ici se place un coup de théâtre que les Britanniques ne découvriront qu'à la toute dernière minute. De quoi voulez-vous parler là? Soudain, Hesse décide de se rendre au rendez-vous de Dungeval House à la place de Bohl. Avec l'aval du Führer ? Et de lui seul. Personne d'autre ne sera mis au courant de ce changement. Ni les Britanniques, ni les Haushofer, père et fils. Mais comment peut-on expliquer ce retournement ? Remarquons d'abord que Hesse avait fait de ses contacts avec les Anglais une affaire personnelle. Et donc il voulait la suivre jusqu'au bout ? C'est certain. Il voulait surtout s'assurer en personne que les Anglais ne bluffaient pas. Ajoutez à cela sa mégalomanie. Je serai l'homme qui a fait la paix. Et une bonne dose d'ambition, et vous avez l'explication. Hesse y voyait certainement la possibilité d'en remontrer à ses rivaux, les Ribbentrop, Himmler, Göring et autres Goebbels, qui avaient tendance à l'éclipser depuis le début de la guerre. Or, pour lui, rien n'était plus important que le culte qu'il vouait à Hitler depuis que les deux hommes avaient autrefois partagé une cellule après le putsch raté de 1923. Ouais. Et pour son Führer, il était prêt à courir les plus grands dangers. Absolument. Est-ce qu'il a conscience qu'il peut échouer ? Il l'a envisagé, puisqu'il laisse cette lettre à Hitler où il lui recommande, en cas d'échec, de prétendre qu'il est fou. Mais c'est certainement le cœur plein d'espoir qu'il va s'envoler vers l'Écosse, tant il est persuadé que les jours de Churchill au poste de Premier ministre sont comptés. La preuve, c'est qu'au début mai 1941, une dépêche de l'agence Reuters annonce que Churchill est en train de se battre pour sa survie politique. Sa conduite de la guerre est contestée à la Chambre des communes où il doit affronter un vote de confiance. Et ce vote alors ? Il aura lieu le 6 mai. À la Chambre des communes, Churchill se bat comme un beau diable. Et finalement, il obtient un vote massif en sa faveur. Mais pour la première fois depuis le début de la guerre, le gouvernement a semblé sérieusement ébranlé. Oui, alors pour les Allemands, ce n'est peut-être que partie remise. Sans doute. En tout cas, il est maintenant trop tard pour remettre le voyage de Hesse. La date et l'heure ont été calées le 3 mai, lors d'une nouvelle rencontre à Zurich entre Samuel Hoare et Haushofer fils. Et le lendemain, ce n'est certainement pas un hasard, Hitler prononce un grand discours au Reichstag. S'il dénonce les horreurs de la guerre, il souligne surtout qu'il n'avait jamais voulu d'une guerre avec la Grande-Bretagne. Et ça, c'est un discours qui semble destiné au clan des pacifistes anglais. Ça y ressemble. Puis le 5 mai se tient la dernière rencontre entre Hitler et Hess à la chancellerie. Un des assistants de Hess à l'extérieur du bureau a surpris des bribes de conversation. Hess aurait dit « aucun problème avec l'avion ». Puis les événements s'accélèrent. Hess se rend à Munich pour voir Albrecht Haushofer. Puis le 10 mai, juste avant son départ, il rencontre à sa demande Alfred Rosenberg, un proche de Hitler. Oui, c'était l'un des théoriciens du nazisme. Oui, et un homme qui, au milieu des années 30, a établi des contacts avec la monarchie britannique par l'entremise du duc de Kent. Oui, justement, ce prince qui devait être l'interlocuteur de Hesse, en tout cas, c'est ce qu'il croit. Ou plutôt qu'on lui a fait croire. Puis enfin, le 10 mai, à 17h45, le ME-110 de Hesse décolle sur la piste principale de l'aérodrome d'Augsbourg. Pour une arrivée de nuit, donc. En effet, mais vous savez ce qui est arrivé. Quand l'avion arrive vers 23h, près du château de Lord Hamilton, la piste d'atterrissage est mal éclairée. Alors S risque le tout pour le tout. Il abandonne son avion et saute en parachute. Mais au sol, il rencontre un fermier. Oui, ça c'est ce qu'on a prétendu. En fait, il s'agit d'un sergent des forces britanniques chargé de la surveillance de l'espace aérien. Et comme il n'y a eu aucun tir de désert, c'est que S était attendu. Ah, pas S, mais ce bol auquel il s'est substitué au dernier instant. Ouais. Alors, réaction des Britanniques quand ils vont s'en apercevoir ? La stupéfaction, bien sûr. Et d'abord celle de Lord Hamilton, auprès duquel l'homme qui se présente sous le nom d'Alfred Horn demande à être conduit. Hamilton qui connaît S. Et doit donc le reconnaître immédiatement dès qu'il pénètre chez lui. Ouais, alors qu'il attendait Ball. Oui, et qu'il devait entamer avec celui-ci de fausses négociations de paix destinées à abuser Hitler. J'imagine donc que Lord Hamilton a dû avoir quelques sueurs froides en découvrant S. Mais tout en faisant discrètement prévenir Churchill et les hommes de l'opération 4H, il a dû commencer à discuter avec le dirigeant nazi, qui d'emblée lui aurait demandé s'il pouvait rassembler les principaux membres de sa faction afin d'évoquer les propositions de paix dont il était porteur. Et ça prouve, en tout cas, que l'opération de mystification avait parfaitement marché. Et même un peu trop bien, car les mystificateurs n'avaient certainement pas prévu que le numéro 3 du Reich viendrait en personne se livrer à eux. Et c'était bien embarrassant. Ah oui, que faire de lui, c'est ça? C'est cela, oui. Et surtout sans mettre en péril l'opération 4H. Car il n'avait pas encore permis d'atteindre l'objectif que Churchill s'était secrètement fixé. Quoi ? Un instant. Une anecdote d'abord. Churchill, lorsqu'il a appris que c'était S qui se trouvait chez Lord Hamilton, a d'abord cru lui aussi être l'objet d'une mystification. Ce qui signifie Eh bien, il a cru qu'Hitler lui avait envoyé un sosie. Et il ne sera rassuré que lorsqu'un homme, connaissant très bien le nazi, pourra garantir formellement son identité. Alors, comme vous faites une fois de plus des mystères, quelle était la finalité de cette opération 4H ? C'était en persuadant Hitler qu'une faction pacifiste en Grande-Bretagne allait imposer la fin de la guerre, le, le poussait à attaquer le plus vite possible l'URSS, afin que l'ouverture de ce deuxième front permette à l'Angleterre de souffler un peu. C'était ça, le grand secret de Churchill. Mais c'était parfaitement machiavélique. Churchill n'avait jamais eu de sympathie pour le bolchevisme. Il a donc agi sans état d'âme. Mais bien sûr, Staline ne devait surtout pas apprendre que son futur allié avait tout fait pour que Hitler envahisse son pays. Il n'y a pas eu de fuite ? Je vous réponds tout de suite. En attendant, il fallait régler le cas S. Les autorités britanniques ont décidé de le placer au secret. Et naturellement, les documents en sa possession ont prestement disparu. Ouais. Mis au secret, alors, pour éviter qu'il ne raconte ce qu'il savait sur les fausses négociations de paix que les mystificateurs lui avaient fait miroiter. Bien évidemment. Et il le restera jusqu'à sa mort en 1987. Et les réactions en Allemagne après la disparition de Rudolf Hess ? Hitler a réagi exactement comme le lui avait conseillé Hess. La chancellerie a publié un communiqué disant à peu près ceci. Rudolf Hess, à qui le Führer avait formellement interdit de piloter un avion en raison d'une maladie qui s'est aggravée au fil des ans, a réussi récemment à s'emparer d'un appareil au mépris de cet ordre. Bref, il était devenu fou. Mais en Allemagne aussi, les nazis ont souhaité au plus vite étouffer cette affaire gênante et les principaux collaborateurs de Hess ont été mis à l'ombre. Hitler aurait même envoyé en Angleterre 3 tueurs chargés d'assassiner Hess, mais ils auraient été arrêtés dès leur parachutage sur le sol britannique. Vous m'avez laissé aussi entendre que le retard de l'opération Barbarossa aurait à voir avec l'affaire Hess. Oui, car Hitler a peut-être réalisé que ces fameuses négociations de paix dont les Haushofer et Hess faisaient si grand cas n'étaient peut-être qu'un leurre destiné à l'abuser. Ouais. Il a donc hésité. Mais tout était en place. Il était difficile de remettre une aussi considérable opération. Et finalement, il n'a retardé Barbarossa que d'un peu plus d'un mois. Ce qui aura d'ailleurs des conséquences néfastes pour les envahisseurs qui auraient dû achever leur manœuvre d'invasion avant la venue du grand hiver russe, quoi qu'il en soit. Churchill a très mal vécu ces quelques semaines de retard. Il a même alors douté avoir réussi son opération d'intoxication. Jusqu'à ce jour de la mi-juin 41, où, grâce au décryptage d'Enigma, il a obtenu enfin la confirmation que l'attaque allemande en direction de l'Est était imminente. Hess a été mis au secret, mais les autres auraient pu parler. Vous pensez au Haushofer ? Eh bien, le fils soupçonné d'avoir participé au complot de 1944 contre Hitler a été liquidé par les nazis. Quant au père, après avoir reçu en mars 1946 la visite d'agents britanniques, il se serait suicidé. Ah bon ? Plus de témoins, quoi. Et dernier point, là, Staline, mais qu'avait-il appris, lui ? Au cours d'une réunion entre alliés en 1944, il a clairement fait comprendre à Churchill que les services secrets anglais se trouvaient derrière l'escapade de Rudolf Hess en Écosse. Et il avait une très bonne raison pour le savoir. Une raison qui s'appelait Kim Philby, la taupe de Cambridge, infiltrée au sein de l'Intelligence Service, qui n'a cessé tout au long de la Seconde Guerre mondiale de communiquer tout ce qu'il savait à Moscou. Le livre de Martin Allen, « L'étrange voyage de Rudolf Hess » a été publié dans la collection de poche Tempus des éditions Perrin. Enfin, je vous signale la parution d'un livre aussi passionnant que dense de Roger Faligo sur la Tricontinentale, cette organisation qui, dans la décennie 1960, a regroupé les révolutionnaires du monde entier, à savoir Che Guevara, Ben Barka, Amilcar Cabral ou encore Ho Chi Minh. Un ouvrage paru à la Découverte dont nous reparlera certainement Monsieur X. Cette émission a été préparée par Rebecca Denant, réalisée comme d'habitude par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, on va un peu à la campagne ou dans la nature avec Sourd de mon amour de Denis Chessou.